déjà. Je vais régaler ma guitare. Entre 1, 2, 3, 4. Je sais pas si on entend ma guitare. Oh. Vérifie mon niveau. Ok. Ah, c'est juste comme ça. C'est pour te faire plaisir. Non, non, tu vas dire non, pas ça. Non, pas ça. Non! Et si. Ça te rappelle quelque chose, ça, cet accord là? Avec un petit air d'harmonica. Marc, c'était joli. truc pour l'harmonica là. Thomas. Ce matin, on a eu droit à Miami Vice. C'est pas mal ça, non? Faut faire de l'harmonica là. Cabrel. acheter ton disque. D'ailleurs, tu me dois... J'ai toujours rêvé d'avoir des cheveux longs. Et je les perds un peu derrière, alors je peux pas me moquer de toi, mon grand. T'as réussi à faire un disque. Moi, à 43 ans, tu vois, j'ai rien fait. Nuit sur la nuit, ton poids n'est pas une fortune. Je passe mon temps à faire. magazine. You're the one so be mine, so be fun, so well the night. And every wheel so round the town. Tu vois, ça c'est une chanson, on en fait et demain elle n'existera plus. C'est grave. Écoutez. Ça, j'aime bien ça. 1, 2, 3 et 4. Elle s'abandonne autour de moi. Pour j'aller en premier. Et je recommence. Elle a des vagues de tendresse qui m'épouse et qui me caresse. Elle s'abandonne autour de moi. Pour jaillir entre mes doigts. Faut du 16, non ? On met du 16. On va changer le DPI parce que c'est ça. Lawan aujourd'hui. Michel Drucker, Thomas. Michel Drucker. Celui qui a invité Jean-Pierre François un jour. Un jour j'étais au concert de Marc Lavoine. J'ai décidé de lui glisser un petit CD avec des compos. Mais tu parles de Marc Lavoine, rien à foutre de moi. Alors j'ai trouvé son guitariste et j'ai dit allez s'il te plaît, c'est sympa mec. Il m'a dit ok c'est promis, je ferai écouter dans le bus avec Marc. Sauf que Marc n'a pas pris le bus, c'est bien foutu moi. C'est bien fou. Et puis un jour, j'étais voir mon pote, tu sais Calogero. Moi j'aime bien Calogero. Et là c'était aussi le guitariste. Il m'a dit ok mon petit, pourtant lui aussi un jour il a commencé comme ça. Alors on s'en fout. Qui c'est qui avait écrit ces paroles là? N'empêche, c'est un mec qui faisait des belles paroles. Pourquoi je dis il faisait? Parce qu'il est pas mort. On n'a plus parlé de lui. Il a eu son heure de gloire. J'avoue que quand j'étais gamin, j'aimais pas du tout. C'était Yves Duteil. La chanson s'appelait La mer ressemble à ton amour. Le mec il faisait paroles et musique quand même. Cracher sur ce qu'il a fait. Ben moi, le dernier groupe que j'avais, c'était Monsieur Biloba, qui existe encore, mais je me suis cassé du groupe parce que. Parce que j'en avais marre. D'ailleurs, si vous cherchez sur internet, cherchez Monsieur Biloba, en Auvergne. Ils ont encore 3 ou 4 compos à moi. Mais en Auvergne, et en ce moment, les groupes, il y en a plein. Les groupes auvergnats qui ont tourné, je sais pas si vous avez entendu parler de Mustang, Cocoon, Elderberry, mais eux c'est fini, ils ont eu l'heure de boire et puis maintenant ça marche plus. Qu'est-ce qu'on a eu en Auvergne? C'est tout ce qui me revient. Rémi Brica. Lui il a assuré ce mec, Goldman. Il va avoir des couilles en or tout de suite là. Il doit être riche à millions. Même qu'il arrête de la musique, les mecs ils continuent à jouer sa musique. Si, je crois qu'il a fait le truc des enfoirés, c'est ça? On sent tout de suite qu'il a fait des enfoirés. Là. Donc il est tranquille maintenant, il fait sa musique. Il fait plus de scène pour rien. t'as connu Typhoon, toi. Oh putain, arrête, c'était bien, mais après, c'est là qu'il a fait sa carrière. Demande aux gens autour de toi, ils connaissent tous un morceau de Goldman, tous. Là aussi, on peut critiquer, mais bon, moi je vois le résultat, quoi. Mais bon. C'est qu'on veut tout imiter les Anglais, les Américains, on veut tous chanter en anglais. Ça m'énerve. Comme si notre langue française, elle était pas assez bien, quoi. On est vraiment une bande de petites couilles, quoi. Bah, tiens, tu parles de Tal. Par exemple, ma fille, elle a 9 ans, elle connaît par cœur la chanson. Bah, je lui fais plaisir, je joue avec elle le morceau. Si ça lui donne du bonheur. La nana, Tal, bon, bah, c'est commercial, mais bon, ça marche. Hein. Quand elle vend des disques. Hein. Aujourd'hui, c'est dur de vendre des disques. Hein. C'est ça. J'ai essayé de faire deux morceaux avec elle, il y a deux morceaux par contre c'est assez ressemblant. On va pas le faire parce que ça vous plaît pas. Ça je fais qu'avec ma gueule. Bah Jean-Pierre, t'en es où toi? C'est quand que tu nous refais un disque là? Parce que qu'est-ce qui t'empêche de faire la chanson? Sur Ninja, on se fait notre propre production, notre propre concert sur Ninja. Des concerts en 64 mesures maxi. Wow, je suis d'accord avec toi, tu vois, franchement, j'aime bien ça. Regarde Ophélie Winter, c'était elle qui parlait comme ça. Bon, je crois qu'après, la pauvre, elle a eu un cancer, c'est ça. Donc, du coup, elle avait intérêt à garder la positive. Je sais pas quoi faire.